Yeah, oh, volcan. Nous sommes certains humains. À côté de la bombe, nous dansons. À 4 heures du matin, les pieds nus. Dansons, chantons. réclamons de la poésie interstellaire. Les pieds nus dans l'herbe, à 5h du matin, regardant les étoiles. Une étoile, des étoiles, la voie lactée, des aurores boréales, que le ciel, fini. Tellement vaste monde, tellement moi tout petit, moi tout petit, moi tout petit. Vaste monde, huge. Je voulais un autre système. Thank you. sa tête. Il danse, Jean Petit. Tête de son avec sa main. Silence, Jean Petit. Thank you. Thank you very much.